À l'occasion du 56e anniversaire de l'indépendance du Tchad, Kim Jong-nam, président du Présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée, a envoyé le 11 courant un message de félicitations à Idriss Déby Itno, président tchadien et chef d'État. Le destinataire s'est exprimé convaincu du développement continu des relations traditionnelles d'amitié et de coopération entre les deux pays, conformément aux intérêts communs, et a souhaité grand succès dans le travail du président, du gouvernement et du peuple tchadien pour le développement du pays et l'union nationale.